Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, dans quelques jours, le 20 juillet précisément, le jour de la mémoire du prophète Élie, nous célébrerons aujourd'hui celle de la mère Marie Skoptsov, moniale orthodoxe morte en 1945 dans un camp de concentration. Mère Marie et ses compagnons ont été canonisés, c'est-à-dire inscrits sur le calendrier liturgique par le patriarcat œcuménique de Constantinople par un acte datant du 16 janvier 2004 et ils sont donc depuis vénérés comme saints. Donc l'acte mentionne le père Alexis Medvedkov, puis le père Dimitri Klepnin, la mère Marie Skoptsov, dont nous parlons aujourd'hui, Georges, le fils de mère Marie Skoptsov, et Elie Fondaminsky. Pour parler de mère Marie aujourd'hui, nous recevons Dominique Desanti, auteur d'un ouvrage paru aux éditions Bayard, dont le titre est « La sainte et l'incroyante ». Dominique Desanti, bonjour. Bonjour. Avant de nous parler de mère Marie, je voudrais quand même lire la présentation que vous faites vous-même de votre ouvrage, et si je puis dire, de votre relation avec cette personne. Octogénaire, incroyante, c'est vous qui parlez, j'écris ce livre, le 30e et sans doute le dernier, sur une sainte. Oh, pas une contemplative de vitrail. Elle a participé à tous les orages du premier demi-siècle, révolution russe comprise, s'est mariée deux fois, a connu trois maternités, avant que sa folie en Christ fasse d'elle une téméraire exploratrice du désert des cœurs humains. Et dans le Paris de l'occupation, refusant les diktats de l'occupant nazi, elle marcha vers le martyre du camp de Ravensbrück, gazée un mois et neuf jours avant l'armistice. Vous signez Dominique Desanti. Et ma première question, c'est l'évidence même, pourquoi vous vous dites incroyante? Avez-vous senti ce besoin de parler d'une sainte? Oui, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Écoutez, j'avais 15 ans et un aîné m'a amené, c'était la première fois pour moi, à une discussion entre étudiants chrétiens et étudiants révolutionnaires, marxistes, matérialistes, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pensez bien que je ne disais pas un mot, mais chacun se présentait avec son prénom et en disant un peu soit quelle est l'organisation qu'il représente, soit de quel milieu il vient. Et j'avais tout de suite remarqué une très belle fille, une vraie dame avec des talons, et quand vint son tour, je l'entends dire « Guyana ». Je ne suis pas mandatée par l'Association chrétienne des étudiants russes, les émigrés bien sûr, et sur ma famille, je ne sais que dire, car ma mère est une religieuse orthodoxe et mon père un prêtre catholique. Et à ce moment-là, moi qui étais déjà incroyante, je ne sais pas pourquoi, j'ai crié « Tu mens ». Et alors elle s'est tournée vers moi avec un grand sourire, montrant qu'elle avait tout compris, elle a dit « Ah oui, je mens, parce que pour toi, avant de prononcer leur vœu, les gens n'ont pas eu de vie, et ils n'ont pas pu vivre comme les autres. » Alors, je me suis tue, et cette fille qui connaissait mon introducteur, lui dit « Tu viens dimanche, rue de Lourmel ?» Il dit « Oui, eh bien, amène-la donc, comme ça elle verra ma mère. » Et moi, je commençais à étudier le russe. Mon père était demi-russe, mais en ce temps-là, les gens imaginaient que de donner deux langues tout de suite à un enfant, ça lui créerait des difficultés, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et il m'avait interdite de russe. L'anglais, oui, l'allemand, oui, le russe, non. Alors bien sûr, à 15 ans, en falsifiant un peu les papiers, je suis allé à l'école des langues orientales, où on était 8 dans la classe, alors ils n'ont pas fait d'histoire, et j'ai appris le russe. Donc je savais un peu. Et j'arrive ce dimanche, et là, j'ai vu des hommes... Il y en avait deux que je connaissais, à ma stupeur, qui connaissaient mon père. C'était le philosophe Berdiaïev, qui avait été marxiste et qui avait été, dit-il, foudroyé par la foi. Et un homme dont je savais qu'il était de famille juive, Elie Fondaminsky, mais qui avait créé des revues comme La Cité Nouvelle, Novigrad, et les Annales Contemporaines, et qui était une figure de l'immigration. Et puis je vois tous les hommes se lever, et une grande silhouette avec un voile noir et la jupe jusqu'aux pieds, c'était pas la mode, une cigarette entre l'index et le médius, un chapelet au poignet qui entre, et comme j'étais la seule personne qu'elle ne connaissait pas, elle m'a regardée. Alors, il y a une expression courante, être transpercé par un regard. Alors, je connaissais l'expression, mais pas l'impression. Et ça m'a fait une impression extraordinaire. Le regard n'était ni ironique, ni exigeant. Il me prenait en compte en tant qu'être humain. Et je crois que c'était la première fois que je me sentais pas la fille d'un tel, ou la bonne en français, la nulle en maths, ou... Non, c'est moi en tant que personne qui était prise en compte. Et alors, elle m'est restée. Je l'ai revue. Je l'ai revue parce que 3 fois par semaine, elle demandait des bénévoles pour aller avec elle au hall, quêter les légumes de la cantine quotidienne qu'elle distribuait aux chômeurs russes qui n'avaient aucune aide de nulle part et qui seraient morts de faim. Et on chargeait ce qu'on nous donnait ou ce qu'on achetait au prix coûtant sur des charrettes à bras qui s'appelaient des diables. Alors donc, on poussait nos diables, c'était comme ça, c'est comme ça que Mère Marie est entrée dans ma vie. Et bien sûr, je n'ai plus voulu aller ailleurs le dimanche que à ce cercle. Et je lui ai présenté Jean Toussaint de Santy aussitôt que je l'ai rencontré. Elle a trouvé très bien que je trouve un philosophe. Elle était elle-même théologienne. Je le savais à peine, je savais qu'elle était poète, je savais évidemment qu'elle était mère, d'ailleurs son fils m'a été également présenté, et je l'ai toujours vue assez régulièrement, ensuite est venue l'occupation. Et alors, nous avions, enfin, on était un petit groupe, comme beaucoup de petits groupes, on essayait d'agir comme on pouvait, et à un moment donné, nous avons eu besoin de certificats de baptême, absolument. Et d'une voix de Santi et moi, nous avons dit, si on allait voir Mère Marie, alors on va la voir, on la trouve avec son chapelain Dimitri Klépinine, Saint Dimitri maintenant, et ils étaient en train de faire des colis pour les prisonniers de guerre, je demande à parler à Mère Marie et je lui explique. Elle prend un ton très moral et elle me dit, mais vous me demandez quoi? Vous me demandez un parjure. Vous ne vous rendez pas compte parce que un prêtre, quand il délivre un certificat de baptême, il est sous-entendu qu'il jure que cette personne a bien été baptisée. Et je lui dis, mais vous m'avez appris que quelquefois la loi des hommes doit être transcendée par une loi plus juste. Et alors, elle a ri et j'ai compris que elle m'avait pas attendu pour faire les choses. Et alors, elle m'a dit, combien il vous en faut? Et j'ai dit, la vérité, 12. Et elle a plaisanté en disant, ah oui, pourquoi pas, comme les œufs, 13 à la douzaine. C'était plus le moment où les œufs étaient vendus 13 à la douzaine. Et j'ai dit, mais le 13e serait le bienvenu. Et c'est ainsi que je l'ai revue jusqu'au moment où elle a été arrêtée. C'était donc en février, je crois, oui, en février 43. Et puis ensuite, je n'ai plus su grand-chose d'elle. Elle a été au fort de Romainville, elle a été déportée au camp de Ravensbrück. Et depuis 50 ans, j'ai besoin, vraiment besoin, de montrer ce qu'elle fut vraiment, cette vie brûlante. Elle disait dans un poème, « Je suis une torche, jette-moi pour que je brûle pour toi », disait-elle à Jésus qui l'habitait. Dans ce livre, donc, vous parlez à la fois de votre propre relation, de votre contact avec elle, et également vous parlez de sa vie. Parce que sa vie est prodigieuse. Est prodigieuse. Vraiment sa vie, alors je l'ai Je l'ai su en interrogeant des gens, lisant des documents et en voyant d'ailleurs des survivantes de Ravensbrück et notamment Geneviève de Gaulle. Ça, j'étais pas du tout allée la voir pour Mère Marie. J'étais allée la voir pour ses collections de peintures et nous avons parlé de Ravensbrück. Je lui ai parlé de Mère Marie et elle m'a dit qu'elle l'avait connue, qu'elles avaient prié ensemble secrètement, naturellement, et que tout le monde dans le camp entendait parler d'elle. Alors, si vous voulez bien, on va essayer de faire un parcours très bref de cette vie à travers votre propre livre et les témoignages que vous y donnez. Si vous voulez choisir vous-même les moments qui vous semblent les plus forts ou les textes qui représentent le plus sa personnalité. Écoutez, à 15 ans, cette fille de propriétaire terrien de Crimée, à Napa, je précise qu'actuellement en Crimée, à Anapa, on lui a dressé un monument, une grande croix sur laquelle on a écrit son nom. Et la fille de Françoise Dolto, Catherine Dolto, comme son père était russe, a refait le chemin de son père. Elle est arrivée à Anapa, elle ne savait pas du tout. On lui a parlé de Mère Marie, qu'elle connaissait parce que je lui en avais rebattu les oreilles, et on lui a montré où était le domaine de la famille Pilenko, et on lui a montré le mémorial pour Mère Marie. Alors vous voyez, maintenant, elle est devenue quelqu'un de tout à fait admis. Déjà, en 1985, elle était sur la liste des combattants héroïques de la Grande Guerre patriotique, comme on s'exprimait en ce temps-là. Voilà, et j'ai eu vraiment le besoin de la reconstituer, cette fille qui à 15 ans s'était prise, en l'entendant dire ses vers sur une tribune d'Alexandre Bloch, le poète quand même le plus singulier de Russie en ce temps, et elle est allée chez lui, à Saint-Pétersbourg, elle a convaincu l'employé de service de la laisser l'attendre, elle l'a vu et elle lui a dit « C'est vous qui incarnez la poésie, je ne crois plus en Dieu ». Il a dit « Oui, moi non plus ». C'était dans leur première conversation. Et elle a dit d'ailleurs « Mon père est mort, s'il y avait un Dieu juste, il n'aurait pas laissé mourir ce juste, donc je répudie Dieu ». Et ils se sont quittés après une très longue conversation. Elle lui a écrit et il lui a envoyé un poème dont je veux vous lire quelques vers parce que ça a guidé sa vie. Vous pouvez bien parler de la tristesse, vous pouvez méditer sur les fins et les commencements. Malgré tout, j'ose penser que vous avez à peine 15 ans. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous tombiez amoureuse d'un homme simple qui aime la terre et le ciel, plus que de rimailler ou ne pas rimailler des discours sur la terre et le ciel. Vrai, je serais heureux pour vous, parce que seuls les amoureux ont droit au nom d'humain. » Alors, elle, ça l'avait plutôt déçue, parce que ça voulait dire que ça ne serait pas lui, l'homme dont il voulait qu'elle s'éprenne. Mais elle a épousé à 19 ans un garçon qui suivait Alexandre Bloch lorsqu'il allait faire la noce chez les Tziganes, qui lui-même était d'une excellente lignée universitaire, mais qui disait « nous finirons tous par le suicide, sauf Alexandre Bloch, que son génie sauvera ». Elle l'épouse, c'est un échec. Elle a une fille dont il faut bien dire, puisqu'elle l'a dit, qu'elle est d'un autre dont on ne sait pas le nom. Et elle a écrit à Alexandre Bloch « J'ai rencontré l'homme que vous me destinez, un homme simple qui aime la terre et le ciel, et je vous donne ma fille Gaïana, et si je ne pouvais pas vous la donner, je ne saurais pas l'aimer ». Donc l'exaltation la plus intense. Arrive la révolution, elle prend part dans un parti révolutionnaire anti-marxiste et anti-bolchevique de ce fait, et donc écrasé ensuite par les bolcheviques. Mais elle devient maire d'Anapa. Anapa rouge, socialiste révolutionnaire, c'est-à-dire socialiste mais de tradition slave, et où la religion n'était pas exclue, et les blancs les Cosaques reprennent la ville et veulent juger cette femme mère parce qu'elle avait participé à ce gouvernement révolutionnaire. Et parmi ceux qui assistaient à ce procès côté Cosaque, il y avait Skoptsov, un instituteur Cosaque. Il s'éprend d'elle. À ce moment-là, les rouges reprennent la ville. Lui étant un blanc doit émigrer, elle émigre avec lui et avec Gaïane, elle a deux enfants avec lui, c'est la longue migration des émigrés qui aboutit dans la misère à Paris, et là elle a deux enfants pendant l'émigration même, et elle perd la plus jeune de maladie, et elle considère que c'est un appel, que le Christ est en elle et lui dit « Tu ne peux pas être seulement la mère de tes enfants, tu dois consoler l'univers, tu dois te donner à l'univers, à tous ceux qui souffrent et aux plus déshérités, justement à ceux qui n'ont rien. » Alors, elle s'occupe beaucoup de l'association chrétienne des étudiants russes, qui devient par scission l'action orthodoxe par la suite. Elle veut ardemment entrer en religion. Elle rencontre le métropolite Euloge, qui était à Paris, rue Daru, il habitait dans l'enceinte même de l'église. Elle le convainc beaucoup, mais son entourage lui dit « Ne faites pas cette imprudence, cette femme est ingouvernable. » Et l'un d'eux, voulant faire de l'esprit, dit « Écoutez, Elisabeth, c'est son vrai nom, Elisabeth Skoptsov, portant le Christ en elle, suit ce qu'il lui dit et n'écoutera pas ce que vous direz et ce que nous dirons. » Mais Eloge se laisse convaincre. Et elle devient donc religieuse, il lui donne la tonsure, et aussitôt elle se lance dans l'action. On l'avait envoyée en mission voir des couvents aux frontières de l'URSS, c'est-à-dire dans les pays baltes. Et elle revient horrifiée en disant elles ne veulent que prier et elles ne voient même pas les horreurs qui se passent à quelques kilomètres de leur couvent. Elles ne veulent pas savoir ce qu'il y a derrière la frontière. Il faut réformer le monachisme orthodoxe, ce que Loge ne pouvait pas faire de Paris. Et elle, dans une vieille masure assez abandonnée de la rue de Lourmel à Paris, dans le 15e, fait un foyer monastique où il y a des religieuses, mais dont certaines demandent leur changement assez rapidement, parce qu'il y a aussi, alors, des généraux infirmes, des petites prostituées qu'elle a trouvées dans la rue et qui se révèlent voleuses mais qu'elle reprend sans cesse parce qu'elle veut les amender, des ivrognes invétérés, des artistes sans logis. C'était la bohème évangélique, a dit quelqu'un qu'elle a eu comme avant le père Dimitri, elle a eu un très remarquable chapelain, Léon Gillet, auquel est consacré un gros livre, Le Moine d'Orient, qui s'est converti, qui était un moine français, et qui s'est converti à l'orthodoxie. Et un temps, il a été chapelain. Et voilà, alors moi, j'ai connu Gaïane jusqu'à ce qu'elle veuille repartir en Russie parce qu'elle ne trouvait pas sa place en France. Et elle y est morte très rapidement, non pas dans un camp, mais de maladie. Et à travers Gaïane, avec laquelle j'ai eu une amitié très forte de quelques mois, mais très intense, je me suis vraiment éprise de Mère Marie. Et j'ai voulu savoir comment, ce qui agissait en elle. Je l'ai vu prendre le large. On était de corvée de pluche, ça c'était toutes les semaines, toujours pour la cantine, alors toutes les semaines il y avait un roulement, quoi. Elle épluchait, elle a posé son couteau, elle est sortie dans la cour où elle avait d'ailleurs fait bâtir une petite chapelle. Elle s'est prosternée devant un buisson. Elle est restée prosternée quelques minutes. Elle est revenue, elle a repris son couteau sans commentaire. Elle a épluché ses pommes de terre. Je l'ai vue aussi, après la mort de Gaïane, restée prosternée au sol. Elle a eu des extases mystiques. Et moi, l'incroyante, je sais bien que même les incroyants peuvent avoir des extases, peut-être pas mystiques, mais des extases. C'est une espèce de, je sais pas, de plénitude. Tout d'un coup, on trouve que d'exister au monde, qu'il y ait des gens au monde, que la lumière soit là, que tout soit si beau, est extraordinaire et on est empli d'un immense bonheur sans objet. C'est pas obligatoirement à un moment où on est très heureux dans sa vie. Non, ça vient et ça s'en va. Et évidemment, pour quelqu'un qui croit, ça a d'autres prolongements. Ben voilà ce que je pense de Mère Marie. Et il y a 50 ans que je voulais porter ce témoignage. Et puis alors maintenant, octogénaire, je me dis que c'était le moment ou alors plus. Si vous voulez, on va parler un tout petit peu de la fin, de sa fin sur la Terre. Et puis de la manière dont vous avez appris ça, vous avez suivi. Nous savons qu'elle est partie dans un camp, donc... Elle a d'ailleurs été gazée très peu de temps avant la fin de la guerre. C'est une... un mois. À peine, oui, c'est ça. Et on dit aussi qu'elle a pris la place de quelqu'un d'autre. On le dit. Alors là, Geneviève de Gaulle, justement, me disait ça, je l'ai entendu dire, et d'autres m'ont dit aussi qu'elle a pris la place de quelqu'un d'autre, mais nous avons d'autres témoignages de la baraque où... Elle se défaisait, ou son corps si robuste, elle a tenu 2 ans. Vous savez que c'est extraordinaire, 2 ans à Ravensbrück. Elle a tenu 2 ans en encourageant, en donnant du courage à toutes. Alors on ne sait, il n'est pas impossible qu'elle ait pris la place d'une autre pour aller travailler dans un camp très dur qu'on appelait, par dérision, je suppose, le camp de jeunesse Jugendlager. Mais elle en est revenue. Et elle avait appris la mort de son fils qui avait été arrêté avant elle et la mort du chaplain. Ils sont morts l'un et l'autre à Dora, qui était l'endroit dur du camp de Buchenwald, une usine où on les faisait travailler à mort et on ne leur donnait rien à manger. Bon. Et elle disait, elle était... Tous les témoignages concordent. J'en ai un d'une communiste et un autre de Madame Perry d'Alincourt, qui est vraiment au sommet de tous les honneurs qu'on a rendus, heureusement qu'on a rendus aux résistants et résistantes des camps, les rares survivants. Elles disent toutes la même chose. Elles rendaient courage même quand probablement elle n'en avait pas. Ainsi, la fumée du crématoire, qui les terrifiait, ces femmes, qui, les femmes disaient, mais voilà, c'est comme ça que nous nous en irons. Et elle disait, mais regardez là, cette fumée, elle est atroce, elle est noire quand elle sort de la cheminée, et puis elle s'élève. Elle s'élève dans le ciel, et regardez, elle se perd dans la lumière et les nuages, et c'est ce qui va nous arriver. Et elle parlait à toutes les femmes. Elle parlait aux soldats soviétiques qui étaient dans une baraque spéciale. Et des co-détenus m'ont dit qu'elles ont vu ces filles s'agenouiller et prier probablement avec elles. Et en tout cas, elles disaient, je leur apprends un peu l'histoire de la Révolution parce qu'elles ne la connaissent que par leur manuel. Alors c'est tout de même. Et elle parlait à celles, j'ose à peine les évoquer, qu'on appelait les lapines, les lapins d'expérience, celles sur lesquelles de grands chirurgiens allemands pratiquaient des opérations et des greffes monstrueuses pour voir si c'était possible, si elles survivaient. Alors, il y en avait qui survivaient dans un état épouvantable. Personne n'osait leur parler, tellement elles étaient, et elles-mêmes ne parlaient à personne. Sauf à Mère Marie. Elle allait leur parler. Une lecture peut-être de votre livre? Alors, à Paris, le premier jour là, quand elle m'a donné qu'elle m'a promis qu'elle m'a dit simplement revenez demain, et qu'elle m'a donné finalement tous ces certificats de baptême que je demandais, elle m'a donné aussi, parce que souvent nous parlions aussi littérature bien sûr avec elle, elle m'a donné un poème qu'elle venait d'écrire. C'était le lendemain du jour où l'occupant nazi a rendu obligatoire le port de l'étoile jaune pour tous les juifs. Et évidemment, ça a créé un terrible tumulte chez les juifs, j'entends. Et elle a écrit un poème. Deux triangles, une étoile, bouclier de l'aïeul David, élection et non offense, pas un mal, une voix royale. Sonne à nouveau le clairon de l'Exode et le prophète répète l'annonce, le destin du peuple élu. Que ceux qui reçoivent le sceau de l'hexagonale étoile sachent transformer en liberté d'âme ce sein de la servitude. Elle avait réagi comme ça. À la fin de votre livre, vous parlez du but d'Elisabeth Skoptsov, c'est-à-dire de Mère Marie, pourquoi elle était devenue moniale. Alors, le but d'Elisabeth Skoptsov, dites-vous, quand elle prit le voile, fut de créer un monachisme féminin orthodoxe qui ne soit pas uniquement contemplatif, capable d'aller sur les chemins, sur les routes chaotantes et chaotiques du XXe siècle et de sa suite, afin d'irriguer le désert des êtres. Mais Mère Marie considérait que pour rendre l'espoir, il fallait d'abord porter secours au corps, nourrir, soigner, et ensuite seulement parler, éduquer, expliquer, consoler. Elle a vécu sa foi jusqu'à l'extrême. Marie l'a dit, écrit, mais par-dessus tout, elle a agi, vécu sa foi. Est-ce pour vous le condensé, si je puis dire, oui, de cette vie? Oui, absolument, et je dois dire, elle était... C'est extraordinaire, parce que elle était peintre, elle a brodé la vie du roi David, c'était son préféré dans la Bible, parce que c'était la faiblesse face à la force, la faiblesse qui triomphe de la force. Elle l'a brodé, une très longue tapisserie, au point de Bayeux. Et elle peignait des icônes, elle faisait des poèmes, elle écrivait des textes de théologie. Et cependant, pour elle, au centre de tout, il y avait l'être humain à consoler, à sauver en le consolant, c'est-à-dire en raffermissant son corps, vous avez lu le texte, en raffermissant son corps, et alors en le faisant se sentir un être humain et, si possible, lui donner la foi. Mais elle n'imposait jamais la foi. La preuve, j'ai connu quand même de mon âge de 15 ans à mon âge de 23 ans, et elle ne m'a jamais parlé de conversion. Elle ne parlait pas de ça. Elle agissait sa foi et elle disait « ce n'est pas moi, c'est Christ en moi qui me fait agir ». Ce sera le mot de la fin. Dominique de Santi, je vous remercie infiniment pour ce témoignage. Il faut absolument lire ce livre, donc, La Sainte et l'Incroyante, aux éditions Bayard. Notre prochaine émission, dimanche 22 juillet, ce sera sur le prêt spirituel de Jean Moscos avec Vincent Desroches. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargé de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Guillaume Ledu. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.